L'entretien du directeur du département des traités et règlements du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée, qui a dévoilé l'illégalité des résolutions de sanctions anti-République populaire démocratique de Corée, adoptées par le Conseil de sécurité de l'ONU, a été distribué le 9 courant comme dossier officiel du Conseil de sécurité S 2016 numéro 1097.